La colonisation spirituelle, voilà le sujet qui va être traité dans le cadre de cette capsule audio. En fait, récemment, j'ai fait un enregistrement et j'ai eu le commentaire d'une auditrice qui m'a écrit, suite à l'enregistrement, qu'elle avait aimé le terme « colonisation spirituelle » que j'avais employé. Donc, si elle m'écoute, je la salue. Et par la suite, ça m'a donné l'idée d'élaborer davantage sur la notion de colonisation spirituelle. Donc, dans le passé de l'humanité, il y a eu des peuples colonisateurs. Donc, si on pense par exemple à l'Angleterre qui a colonisé différents endroits dans le monde, entre autres l'Amérique du Nord, ce qui a donné place par la suite aux États-Unis. Donc, il y avait établi une colonie et ils en ont établi aussi le peuple de l'Angleterre, une autre colonie en Afrique. Donc, il y a eu différents endroits dans le monde où il y a eu des comptoirs commerciaux pour permettre à l'Angleterre de prendre de l'expansion, d'avoir accès à des ressources d'un peu partout dans le monde. Donc, avec son réseau de bateaux, donc, que ce soit par rapport au coton, que ce soit par rapport au sucre, donc, différentes denrées, ce qui a favorisé la croissance de l'Angleterre. Et ensuite, il y a eu d'autres pays colonisateurs, si on pense à la France, qui est venue aussi en Amérique du Nord, d'où la Nouvelle-France, qui est devenue aujourd'hui le Québec. Donc, le colonialisme qu'on a connu sur le plan physique n'est que l'expression actualisée sur le plan biologique du colonialisme psychique. Donc, la volonté de prendre de l'expansion qui va amener des individus à vouloir coloniser des vastes territoires est en relation avec le fait que ces individus sont eux-mêmes colonisés sur le plan psychique en s'appuyant sur le principe que la pensée n'origine pas de l'individu en tant qu'égo, que la pensée vient d'ailleurs, par des entités, par des forces qui vont leur induire dans la psyché l'idée d'aller coloniser des endroits dans le monde. Autrement dit, les gens sont colonisés par des pensées qui les amènent à coloniser des endroits sur le plan physique. Il y a une actualisation de la descente de l'énergie et l'idée de prendre de l'expansion qui est en relation avec le colonialisme. Donc, l'Angleterre, en tant qu'empire, était très vaste à la fin des années 1800, avec des comptoirs où ils pouvaient aller chercher là, des produits là, un peu partout dans le monde, là, par bateau. Il y a quelques semaines, je m'étais arrêté à regarder là, les différentes routes portuaires parce qu'il y avait des comptoirs commerciaux, que ce soit par rapport à l'Amérique, l'Afrique. Il y avait aussi par rapport à la Chine, il y avait différents endroits et c'était quand même impressionnant là, à la fin des années 1800, là, tous les endroits qu'ils avaient colonisés. Et ce mouvement-là expansif est en relation avec les forces qui cherchent à coloniser des individus, des lieux, des endroits pour les imprégner à quelque part de leur vibration. Et la colonisation spirituelle, c'est l'essence du colonialisme qu'on a connu, qui est fait cette fois-ci au nom de valeurs à caractère qu'on va dire humanitaire. Et c'est là que ça peut être sournois et pernicieux, dans le sens que, au nom du mieux-être, on peut imposer des choses à une population. Et c'est sûr que, bon, il y a un colonialisme qui peut exister tout simplement pour bénéficier de comptoirs comptoirs commerciaux en vue d'exploiter des ressources qui ne se trouvent pas sur son territoire. Donc, c'est sûr que si sur un territoire donné, comme en Angleterre, il n'y a pas des champs de coton comme au sud des États-Unis, bien, ils ont tout intérêt à faire affaire avec les États-Unis. Ensuite, ils allaient chercher une main-d'œuvre abondante en Afrique qui les amenait à cultiver le coton aux États-Unis. Puis par la suite, le coton est envoyé en Angleterre et à partir de ce dernier, il y avait des manufactures en Angleterre où étaient produits des vêtements. Donc, il y avait des parcours commerciaux et qui amenait des gains de productivité, l'industrialisation par rapport à certaines productions, ainsi de suite. Donc, par exemple, produire des vêtements de masse. Mais pour en revenir à l'essence du propos, par rapport à la colonisation vibratoire, ben, c'est un phénomène plus subtil. Parce que l'effet de la colonisation psychique, on l'a vu d'une manière densifiée à travers le plan physique par rapport à des peuples qui en colonisent d'autres. La colonisation spirituelle s'est traduite, entre autres, par rapport aux peuples qui portaient à leur sein des religieux missionnaires. On en a vu beaucoup là, qui ont été en Afrique là, pour prêcher la bonne nouvelle avec le christianisme, aller convertir aussi les Autochtones en Amérique du Nord. Donc, il y avait des religieux catholiques qui sont venus en Amérique du Nord pour leur apporter la bonne nouvelle. Un sauveur vous est donné. Et à ce moment-là, leur insuffler les idées de l'importance de croire en Jésus, de croire à la Sainte Église catholique, ainsi de suite. Donc, la colonisation, et il y avait des gens qui étaient sincères, qui voulaient bien faire derrière ça, en amenant les gens à se détourner de leurs croyances ancestrales. Et il y a eu, c'est sûr, au Canada, là, tout le scandale là, entourant là, les pensionnats où des jeunes enfants étaient sortis de leur milieu d'origine, des jeunes enfants autochtones, pour qu'ils aillent apprendre le français, si on pense à des pensionnats au Québec, ou l'anglais, avec la religion catholique. Et il y a des gens dans le domaine de la religion qui croyaient bien faire de séparer des enfants bas âge de leur famille pour le salut de leur âme. Parce qu'ils croyaient que si la personne n'adhère pas à la croyance que Jésus est son sauveur personnel, cette personne-là n'aurait pas accès par la suite, une fois décédée au paradis, n'aurait pas accès à la délivrance de l'âme. Il y avait des croyances là, très lourdes, là. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à la colonisation psychique, ce qui peut être insidieux, c'est que c'est une colonisation qui peut se faire en relation avec des motifs humanitaires, comme le salut de l'âme des individus un peu partout. Ça peut être de l'aide humanitaire. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire qui existe sur Netflix qui s'appelle Poverty Inc. Donc, la pauvreté incorporée, c'est un documentaire qui aborde le phénomène du néocolonialisme. Donc, la nouvelle colonisation se fait au nom de l'aide humanitaire présentement. Donc, il y a des Occidentaux qui vont aller en Afrique et vont chercher à coloniser les gens en Afrique en relation avec de l'aide humanitaire qui, à quelque part, les garde dans une forme de dépendance et permet à des gens de travailler là. Et ça devient, comment dire, un mode de vie. Dans le sens que la subtilité du néocolonialisme, c'est de garder les gens quelque part implicitement dans une situation de dépendance au lieu qu'il y ait ce qu'on appelle du empowerment en anglais, de la mise en puissance des gens en Afrique pour qu'ils deviennent autonomes par eux-mêmes pour s'alimenter en ressources et pour être capables de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. Donc, c'est sûr qu'une aide peut être utile, mais là, quand l'aide humanitaire, ça fait plus que 30 ans, plusieurs décennies en fait, puis il y a des télétons pour ramasser de l'argent par rapport à des problèmes de famine, des problèmes de manque d'accès à l'éducation, l'eau potable, et ainsi de suite. Donc, tant aussi longtemps qu'une forme d'aide humanitaire qui peut être entretenue par des gens sciemment, qui bénéficie de l'industrie de l'aide humanitaire, dans le sens que la personne fait régulièrement des séjours humanitaires en Afrique, puis son travail, c'est ça, elle récolte des dons qui lui payent un salaire, mais au lieu que ça soit de manière temporaire pour aider quelqu'un à rehausser la vibration ou un peuple, ben là, ça devient un mode de vie. Fait que là, implicitement, la personne qui fait de l'aide humanitaire en Afrique, si ça fait plusieurs des années qu'elle travaille, par exemple, à développer des infrastructures comme des écoles dans différents villages, est-ce qu'elle a intérêt à ce que l'aide humanitaire prenne fin puis que les gens se responsabilisent puis leur disent, ben écoutez, on n'a plus besoin de votre aide, on est autonome à présent? La réponse, c'est non. Fait que ce qui est insidieux derrière ça, à travers le néocolonialisme, c'est que quelque part, la personne, pour des raisons d'instinct de survie évidentes, la personne, son salaire puis son mode de vie repose sur le fait que des gens qui sont pauvres, qui sont à quelque part dans une situation de précarité. Il était question dans le documentaire de l'Afrique, mais ça pourrait être par rapport à d'autres peuples. Bon, ben implicitement, la personne a tout intérêt à ce que le néocolonialisme continue à exister à travers une forme subtile d'aide humanitaire, parce que ça permet de justifier son travail et ça lui donne accès à de l'énergie, c'est-à-dire de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes, c'est pas tout le monde, il faut tout le temps apporter des nuances, qui spirituellement cherchent à bien faire en disant « on va aider notre prochain pour qu'il y ait des missions humanitaires en Afrique pour sauver leur âme, puis en même temps leur donner accès à un mode de vie décent selon des critères occidentaux ». Donc, il y a des gens qui veulent sincèrement bien faire. Il y en a d'autres qui réalisent qu'à quelque part, c'est une business de garder les gens dans la dépendance. Puis, à quelque part, ça permet de justifier leur emploi, leur poste, leur subvention. Fait qu'à quelque part, ils n'ont pas nécessairement intérêt, lorsqu'ils aident les gens, à les rendre autonomes pleinement. Puis, ils en sont conscients. Donc, à ce moment-là, ils entretiennent le système qui leur permette de vivre à partir de lui. Donc, c'est très subtil tout ça, mais ce sont des phénomènes sociaux qu'on peut observer. J'ai fait référence tantôt au phénomène du colonialisme en lien avec l'Angleterre, mais la colonisation spirituelle elle peut être véhiculée par les différentes personnes à travers les différentes interfaces auxquelles vous êtes exposés au quotidien, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit par la suite là, toutes les nouvelles technologies. C'est-à-dire que le visage du colonialisme spirituel peut chercher à s'infiltrer partout. Donc, le mot colonialisme ici, il faut l'entendre comme une force qui cherche à s'étendre, prendre de l'expansion, croître, donc coloniser. Et spirituel, c'est par rapport à la vibration astrale, la vibration de l'âme qui cherche à amener les gens à vibrer en résonance avec des structures énergétiques qui sont engendrées en relation avec des entités qui sont derrière. Et c'est sûr que la période présente, avec l'exposition des gens de plus en plus grande à des fenêtres de pénétration d'énergie spirituelle dans leur vie que j'appelle, comme par exemple un téléphone intelligent, qui envoie régulièrement des notifications, une montre intelligente. Je vois m'entraîner en salle, puis là, je vois de plus en plus des gens avec des montres intelligentes, puis à tout moment, ils reçoivent des notifications sur leur montre. Ensuite, des tablettes électroniques que les gens vont utiliser. Ben, c'est la télévision, c'est l'écran d'ordinateur standard aussi, mais il y a un effet de rappel. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, se lève le matin, il y a le réveil matin qui sonne sur son téléphone intelligent, il est exposé, dans certains cas, à certains contenus. Ensuite, il est exposé à des contenus avec sa montre, ensuite la tablette, ensuite avec la télévision, ensuite avec la radio auquel il est exposé un peu partout. Donc, il y a toujours un effet de rappel et la puissance de la synergie des médias, c'est que la personne, continuellement, chaque jour, reçoit plein d'informations qui vont favoriser, si ces lieux sont colonisés par l'astral planétaire, la colonisation de sa psyché. Donc, à force de répéter des messages, à force d'endoctriner des individus, à force de chercher à l'hypnotiser avec l'information à travers différents médias à toute heure de la journée, parce qu'on peut recevoir des notifications là, sur un téléphone intelligent, par exemple, ou une adresse courriel à tout moment, bien, la personne, ça favorise son endoctrinement. Donc, la colonisation spirituelle peut être en puissance avec l'utilisation des nouvelles technologies par des individus, par des forces. Et si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, c'est sûr que par rapport à ça, pour se sortir de la colonisation psychique, c'est dévoiler, la personne doit dévoiler lorsqu'elle se sent colonisée par des forces à caractère spirituel, dans le sens qu'elle sent qu'une vibration spirituelle cherche à l'envahir, cherche à le manipuler. Ça peut être de différentes façons. Donc, la colonisation spirituelle, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va... Si on peut prendre l'exemple classique associé au passé, j'allais dire lointain, mais en réalité, c'est pas si récent, c'est pas si lointain dans l'histoire de l'humanité que des gens allait à la messe, puis là, il y avait des messages là, qui étaient véhiculés, puis la personne a dit « Ah, ben je vais aller propager la bonne nouvelle en Afrique. » Donc, si c'est un Européen ou un Nord-Américain, on va aller apporter la bonne nouvelle. Donc, derrière ça, c'est quoi? C'est l'expression de force spirituelle qui veut se propager et faire en sorte que les gens en Afrique deviennent des chrétiens, des catholiques. Et un peu partout dans le monde, dans les pays asiatiques aussi. Donc, derrière ça, il y a une volonté expansive. Il y a une volonté de convertir les autres, de leur amener certaines croyances, parce qu'on croit que c'est bon pour soi, que ça va être bon pour autrui. Il y a des gens qui sont sincères par rapport à ça. Mais le phénomène de la colonisation spirituelle peut amener à des situations de domination extrêmement subtiles, et que la personne croit qu'en imposant aux autres certains comportements, elle fait le bien. Donc, dans la colonisation spirituelle, il va y avoir des gens qui vont dire à d'autres personnes, vont les inciter, voire les forcer à prendre certaines substances sur le plan médical, et en disant que c'est pour leur bien. Mais si la personne croit faire le bien, elle ne connaît pas les impacts à moyen et long terme de ces substances, ben, elle n'a pas nécessairement le recul par rapport à ces dernières. Et c'est sûr que si la personne, elle entend dans les médias toute une propagande journalistique qui est faite pour amener la personne à, ça peut être prendre des substances, avoir un certain mode de vie, comme par exemple pratiquer le végétarisme, que c'est bien. Donc, la personne peut être colonisée par des formes d'idées, et c'est là que la capacité de l'ego en tant qu'individu de contester les pensées qui ne sont pas en harmonie vibratoire avec son être réel et avoir une capacité de distanciation par rapport au collectif et un regard critique est extrêmement fondamental. En fait, la personne qui va mettre fin à la colonisation spirituelle dans sa vie, c'est pas le voisin, c'est pas les extraterrestres, c'est pas les, surtout pas les anges, parce qu'eux-mêmes sont des créatures à caractère spirituel qui se nourrissent de la constitution et de l'entretien par des êtres humains de structures énergétiques à caractère spirituel qui leur permettent de se maintenir en puissance avec des égrégores d'énergie extrêmement forts qui sont en relation avec des réseaux d'affiliation psychique des individus un peu partout sur Terre. Non, c'est pas les êtres angéliques, c'est pas les extraterrestres, c'est pas les êtres humains, c'est pas les religieux missionnaires qui vont amener l'individu à se sortir de la colonisation psychique qu'il peut subir, mais c'est tout simplement lui, lorsqu'il prend conscience de son existence. Il prend la conscience de l'existence de la colonisation spirituelle, ça peut se faire à travers de chocs de vie. Comme par exemple, quelqu'un peut être exposé à des publicités multiples sur Facebook. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a écrit par rapport à ça, par rapport à des animaux qui ont besoin d'un lieu où, tu sais, d'être adopté. Bon, ben c'est sûr, puis les animaux font pitié, puis tu sais, ça donne comme le goût d'adopter. La personne peut être manipulée à travers le phénomène psychologique de la pitié pour répondre à un agenda à caractère spirituel, prendre soin des animaux. En tant que tel, c'est pas mauvais de prendre soin des animaux si on en a la vibration. Alors que si on n'a pas réellement la vibration d'agir ainsi, ça peut être une voie d'égarement, car détournant l'individu de lui-même et de son agenda fondamental. Ça peut être intelligent dans la vie d'un individu à un certain moment donné qui s'occupe d'un animal, mais ça peut être intelligent aussi à un autre moment donné qu'une fois l'animal décédé, il passe à autre chose dans sa vie et s'occupe par exemple d'un enfant, d'avoir un enfant plutôt que de s'occuper d'avoir un animal. C'est en fonction de chacun et chacun doit se respecter. Mais la colonisation spirituelle s'opère à travers des publicités sur Facebook pour adopter des animaux. Dans certains cas, il y a des forces spirituelles qui sont derrière ça. Amener les gens à se sentir coupables que s'ils n'adoptent pas un animal, ben l'animal va être euthanasié dans les prochains jours. C'est quasiment comme de la vente à pression, dans le sens que si un organisme qui recueille des animaux, puis à quelque part, je les comprends, ils ont leur instinct de survie aussi, ils veulent bien faire, ces gens-là, en disant « Mais écoutez, présentement, on déborde de quantités de chiens et de chats adoptés. S'il n'y a pas des adoptions qui se font dans les prochains jours, on manque de cages. On manque aussi de bénévoles, ben, on n'aura pas le choix des euthanasier. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et c'est sûr que l'organisme, regarde, veut bien faire. Fait que là, ça crée comme une pression parce que si tu n'adoptes pas l'animal, l'animal va être tué. Mais ça peut être très manipulateur parce que, à quelque part, l'individu, c'est pas lui qui a nécessairement fait en sorte qu'il y a un surplus d'animaux à un moment donné. Si y a une crise mondiale qui fait en sorte que les gens vivent l'isolement puis ont adopté massivement des animaux pour briser l'isolement à cause de la crise et des confinements multiples. Ça a fait en sorte, entre autres, qu'il y avait une période de temps où j'écoutais un bulletin de nouvelles où il y avait une surenchère de la valeur des animaux de compagnie. Par exemple, quelqu'un qui achetait un chien, ça pouvait coûter plusieurs centaines de dollars de plus ici au Québec. Il y avait même le cas de vol d'animaux comme des chiens, parce que les gens voulaient tellement des animaux qu'il y avait des actions à caractère désespéré ou qui manquent d'intelligence ou d'ajustement qui se sont produites. Là, après ça, il y a la fin des confinements. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a plein de personnes simultanément qui ont adopté des animaux à cause de la crise. Puis là, ils veulent s'en départir. Et là, ça crée la problématique inverse. Autant pendant la crise, il y a un manque d'animal qui a amené une surenchère, alors que là, l'offre est comme trop grande. Et là, ça crée d'autres problématiques. Mais c'est pas à l'individu de porter le sort de l'humanité et la gestion inintelligente qui a été faite pendant une période qui a amené des gens en réalité à adopter des animaux alors qu'ils n'avaient pas l'intention réellement de s'en occuper là, jusqu'à la fin de leur existence. Donc, c'est sûr que la personne aussi, il faut qu'elle ait une éthique. Si la personne adopte un animal, il faut qu'elle soit consciente qu'elle ait la sensibilité à l'égard de l'animal, qu'elle soit capable de le respecter puis de réaliser qu'à quelque part, si elle adopte un animal, il faut qu'elle soit capable de s'engager avec lui là, plus que quelques mois. T'sais, à un moment donné, les gens doivent se responsabiliser. Et c'est pas l'individu qui se conscientise de compenser pour tous les déboires ou la mauvaise gestion de l'humanité. Il a à s'occuper de sa vie. Et c'est sûr que si la personne, sous l'influence d'un mouvement astral, adopte un animal parce que la personne a peur de souffrir d'isolement ou elle n'a pas la vibration réelle, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, si elle fait ça, elle n'est pas supportée par l'esprit dans son mouvement, puis à un moment donné, ça va lui créer une lourdeur d'avoir un animal. Et à ce moment-là, ben tôt ou tard, elle va vouloir soit en départir ou ça peut même l'amener à faire de la négligence à l'égard de l'animal. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre à tous les jours des marches alors que la personne s'est acheté un chien, puis par rapport au type de chien, dans sa programmation, il faut qu'il marche à tous les jours pour être en santé. Parce que sans ça, le chien, il va engraisser, il va être plus nerveux, il va être plus agressif. Bon, ben, la personne qui prend un chien sous sa charge, elle devrait avoir l'intelligence et la sensibilité de se renseigner par rapport à lui, par rapport à ses besoins, puis de voir est-ce qu'elle est prête à l'assumer ou pas. Dans le sens que si ça implique de marcher à tous les jours avec le chien, bon, ben, c'est de voir si elle est capable de s'engager. C'est sûr que quelqu'un peut être de bonne foi, il achète le chien pour prendre des marches avec lui à tous les jours, sauf qu'à un moment donné, la personne a un accident d'automobile, puis est blessée de manière telle qu'elle se ramasse en chaise roulante pour le reste de sa vie parce qu'elle a été heurtée une jambe. Ça, je peux comprendre, c'est en dehors du contrôle de la personne. Mais normalement, la personne qui prend un animal, si elle a intégré minimalement le principe de l'amour par rapport à des êtres vivants, elle doit agir en conséquence. C'est-à-dire respecter le besoin de l'animal pris en charge. Donc, le phénomène de la colonisation spirituelle, entre autres, ça peut amener les gens à chercher à faire vibrer la culpabilité, dans le sens que la culpabilité, comme il a déjà été mentionné, c'est un poison pour l'âme. Et continuellement, on cherche à culpabiliser les gens à différents niveaux. Si la personne a du plaisir, ben, on peut lui dire « Ah, le plaisir est une occasion de péché. » Ça, c'était dans le temps de la religion. On va chercher à culpabiliser la personne. Ensuite, si la personne, dans le fond, n'adopte pas d'animaux comme mentionné, on va chercher à la sentir coupable. Ensuite, si la personne refuse de recevoir des bibelots ou des statues à caractère ésotérique ou spirituel qui participent eux-mêmes à la colonisation spirituelle, la personne peut ressentir une vibration spirituelle qui peut chercher à la faire sentir coupable. On peut te chercher à te faire sentir coupable si tu ne te soumets pas à des croyances relatives à une collectivité que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, au niveau écologique. D'ailleurs, il y a une colonisation spirituelle qui s'opère au nom d'idéaux écologiques extrêmement importantes à l'époque où est prononcée ces paroles au micro. Donc, l'écologie moderne, ce que certains appellent la religion verte, qui dans certains cas ne s'appuiera pas sur des données empiriques observables, sur la science, mais plutôt des croyances en relation avec qu'est-ce qui est bien ou non de faire. Bon, ben ça peut être l'occasion d'une colonisation spirituelle. Autrefois, il y avait des vocations au sein des Québécois pour puis une pression sociale pour en faire des prêtres ou des religieuses. Puis aujourd'hui, il y a une pression chez les enfants pour en faire des écologistes qui vont convertir les adultes et les gens de la société à la religion verte. Mais c'est tout le temps de regarder derrière ça. Bon, respecter l'environnement, c'est pas mauvais en soi, sauf que ça devient extrêmement aliénant si on amène à faire sentir coupable des gens sciemment d'avoir certains comportements sans leur donner l'occasion d'avoir alternative à ces comportements-là ou les amener dans une voie de privation, dans le sens qu'on fait sentir à quelqu'un « t'es pas correct, utilise une auto à essence », puis il n'y a pas vraiment d'alternative dans le sens que la personne, on dit « ben à place, fais du vélo ». Ben oui, mais si la personne, elle vit à la campagne puis elle a des milliers de kilomètres à parcourir, peut-être pas des milliers de kilomètres à parcourir à chaque année, mais je veux dire, elle a des grandes distances à parcourir pour se rendre au travail ou aller faire l'épicerie, de dire, ben ah, va à vélo, tu vas respecter l'environnement. Ben oui, la personne va traboler ses sacs d'épicerie à vélo. Tu sais, surtout si elle se prend par un orage, ça risque d'être extrêmement pas agréable, surtout que si on remplace les sacs de plastique des sacs en papier, parce qu'on veut respecter davantage l'environnement en utilisant moins de plastique. Bon, il y a toutes sortes d'enchaînements. T'sais. C'est comme la manipulation peut s'opérer en amenant des gens à les faire sentir coupables de choses qui ne sont pas de leur ressort. T'sais, on amène des gens à vivre ce qu'on va appeler de l'éco-anxiété en disant « ben ah, c'est à cause de vous autres que des changements climatiques, mais est-ce que la personne a vraiment l'intention de générer une pollution pour amener des changements climatiques? » Pas nécessairement. C'est sûr qu'elle fait partie d'un tout, puis elle est amenée à utiliser des technologies polluantes, mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à quelque part, il y a des forces qui veulent continuellement amener l'être humain à se sentir coupable. Pourquoi? Ben parce que si l'être humain se sent coupable, il est faible. S'il est affaibli, il est manipulable. S'il est manipulable parce qu'il est fragile dans sa psyché, ben là, à ce moment-là, il peut être facilement dominé puis dilapidé de ses énergies vitales. Puis il y a des forces aussi qui ont intérêt à cacher certaines informations. Donc l'histoire l'histoire de l'humanité qui est présentée d'une manière linéaire, là, avec des inventions qui se font d'une manière successive par rapport à l'ère actuelle, pour moi, j'y adhère pas parce que je suis plutôt partisan de l'archéologie interdite, c'est-à-dire que dans un passé lointain, il y avait des êtres qui se déplaçaient en vaisseau. Il y en a encore actuellement, il y en aura encore demain. Et à quelque part, on n'a pas accès à ces technologies-là. Donc, c'est sûr que moi, dans ma conversation interne que j'ai avec l'esprit, ben, moi, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il existe des êtres qui se déplacent en vaisseau dans le cosmos et que quelque part, c'est une réalité. C'est sûr qu'il y a eu, entre autres, si je prends des gens du gouvernement américain, qui a quelque temps ont dévoilé, écoutez, à travers des vidéos, c'est sorti public au niveau des gens du Pentagone, qu'il y a des objets volants non identifiés qui existent. Là, ils ont franchi un pas récemment, donc ils ont admis qu'il y avait des vaisseaux, comme le fameux vaisseau en forme tic-tac qui se déplace avec des mouvements étranges dans le ciel. Bon, c'est sûr qu'il a fallu, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence d'objets volants identifiés. Des hauts responsables militaires américains, ils savent pas c'est quoi, puis ils ont actuellement l'humilité de le reconnaître. C'est intéressant parce qu'autrefois, ça se faisait pas. Il niait l'existence de ces choses-là. Là, il y a des vidéos qui ont circulé beaucoup sur le web, ça a créé de la pression un peu partout aussi. Et ils sont comme obligés de reconnaître. Ouais, il y a des vidéos avec des objets volants non identifiés qui sont authentiques, qui vont se déplacer dans le ciel. Fait que là, on est rendu à ce stade-là. Ils vont pas dire que c'est d'origine extraterrestre, mais à quelque part, selon les technologies qui existent présentement, ça n'a pas l'air de technologie qui provient, que ce soit de la Chine, de la Russie ou d'autres pays, là. Pourquoi que je parle de ça? C'est parce que, à quelque part, le dévoilement progressif de formes technologiques non polluantes, si on prend la question de l'écologie, à un moment donné, ça va se dévoiler. Parce que là, c'est un des êtres qui parcourent des milliers, voire des milliards de kilomètres dans le cosmos. Ils n'utiliseront pas une automobile, des véhicules à essence comme une automobile qui a une autonomie avec une batterie électrique de 400 km. Imaginez quelqu'un qui sort du système solaire à toutes les 400 km. Il faut qu'il se fasse charger par une borne de relais. Imaginez, à quelque part, on nous présente ça comme étant le progrès. On a actuellement des automobiles qui se sont développées dans les dernières années, qui ont été développées avec une autonomie de 400 km. Moi, je regarde ça, puis ça me fait rire. Imagine l'extraterrestre, le petit gris, il arrive sur la Terre en vaisseau, puis nous autres, avec notre orgueil, selon la technologie dévoilée, nos scientifiques vont les approcher en disant « Utiliser comme nous autres l'auto électrique, c'est la seule solution » pour réduire les problèmes de pollution. Avec ça, vous allez avoir une autonomie de 400 km, alors qu'eux autres, ils ont des véhicules beaucoup plus puissants qui leur permettent de se déplacer sur des plus vastes distances que du 400 km. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ça peut être ridicule. C'est un petit peu comme, par exemple, si un jour, des chrétiens fervents rencontrent des extraterrestres, il est possible qu'il y en ait parmi eux qui veulent les convertir à Jésus-Christ et leur dire qu'ils doivent croire à Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel. Alors que ces êtres-là, ils viennent de d'autres planètes. Je ris, mais en même temps, c'est pas nécessairement drôle, mais parce que ça vous fait part de notre géocentrisme. On peut vouloir convertir d'autres peuples à des technologies en disant « L'auto-électrique, c'est la technologie la plus évoluée. » Et même chose pour Jésus-Christ comme le sauveur personnel, puis il faut vous croyez à lui, parce que sans ça, vous n'allez pas au paradis, puis les manipuler, faire du marchandage à travers ça. Donc, la mentalité de l'être humain qui est soumis à des forces qui lui échappent peut l'amener à vouloir éventuellement coloniser d'autres êtres du cosmos. Et c'est sûr que la colonisation spirituelle pourrait amener à des gens à vouloir, en fonction d'une doctrine, donc on a des intégristes et fanatiques religieux, convertir tous les êtres humains sur la Terre à la croyance en certains individus comme étant des sauveurs et aussi des êtres qui viennent un peu partout du cosmos visiter la Terre. Mais tout ça pour vous dire que la colonisation spirituelle, ça n'a pas de bout. Et éventuellement, lorsque l'être humain se déplacera davantage dans le cosmos, ça serait intéressant qu'il ait fini son épuration psychique pour se libérer de la colonisation spirituelle, parce qu'en ça, il va le chercher à coloniser tous les peuples qu'il va rencontrer dans le cosmos. Donc, dans le passé, avec l'Inquisition, la colonisation a été horrible au Moyen-Âge, entre autres en Europe, où des gens étaient tués parce qu'ils refusaient de se soumettre aux dogmes de la religion associé à des croyances. Bon, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver avec des gens fanatisés? Ben, c'est qu'ils se déplacent dans le cosmos pour aller chercher coloniser d'autres peuples un peu partout, différentes formes de vie en les soumettant à un agenda colonialisme. Et l'être humain nouveau, l'individu qui est un nouvel initié, aura à se libérer dans un premier temps par lui-même de l'influence des forces de colonisation spirituelle sur sa vie. Puis, éventuellement, si on a la vibration, participer à l'épuration planétaire des forces du colonialisme en véhiculant une parole qui va dans ce sens-là. Et ça peut se faire à différents niveaux, selon ce que la vibration, comme moi récemment, j'ai eu la vibration d'une personne de mon entourage, je dis, ben écoute, là, à un moment donné, ça va faire, là, tu reçois plein de bibelots, plein de cadeaux, puis de choses qui amène une forme de colonisation spirituelle dans ta vie, à un moment donné, il va falloir que tu réalises qu'est-ce qui se passe. Et j'avais confronté une personne par rapport à ça récemment, parce que j'en ai eu la vibration. Est-ce que je vais le faire à tous les jours? Ben non, parce que c'est énergivore. À un moment donné, la personne, il faut qu'elle capte ou elle capte pas le système. Puis si elle capte pas le système de qu'est-ce qui se passe, ben qu'est-ce qui va arriver, c'est que sa maison va devenir un musée du Nouvel Âge avec plein de statues, plein de bibelots à caractère spirituel. Puis on va peut-être même vouloir amener cette personne-là en donner à d'autres personnes, c'est-à-dire moi-même qui la connais, parce qu'il y a une chaîne. Elle reçoit des cadeaux d'une autre personne, puis à un moment donné, quand sa maison va être pleine, peut-être qu'elle va vouloir m'en donner, puis à vouloir sauver mon âme à travers ça quelque part. Donc, les gens qui se donnent une mission. D'ailleurs, l'un des volets du colonialisme spirituel, c'est de se croire missionné, se croire sauveur, se croire avoir un rôle qui, en réalité, si ce rôle est déconnecté de l'esprit, c'est-à-dire de la contrepartie cosmique de l'individu qui se loge sur le plan éthérique, amène l'individu à être détourné de lui-même. Donc, autrement dit, c'est extrêmement retardataire de jouer au sauveur par rapport au collectif ou des individus de l'environnement, parce qu'à ce moment-là, ça nous amène à faire des actions qui sont extrêmement énergivores, qui nous créent éventuellement une lourdeur énergétique et par rapport auxquelles on devra mettre fin pour être capable de s'émanciper de ce rôle. Car toute soumission à un rôle est une soumission à une forme, et toute soumission à la forme empêche l'individu d'être libre pour agir en souveraineté, association psychique avec l'esprit, en travaillant à partir de la vibration et non pas de la forme. La forme n'est pas l'essence de la vie, c'est de la mémoire morte. L'essence de la vie est vibratoire, l'essence de la vie est énergie, et lorsque l'individu agit en harmonie avec l'énergie, à ce moment-là, il ne se dévitalise pas, et il ne cherche pas à dévitaliser les autres. Alors que tout individu qui est soumis à des formes, qui cherche à convertir les autres à des formes qu'il a intégrées, introjectées, pour employer un beau terme du vocabulaire psychanalytique, eh bien, cet individu-là n'est pas libre. Et ne le sera jamais. Il y a des gens qui croient que de vouloir, évangéliser les autres, les convertir à des doctrines à caractère spirituel, à des croyances religieuses, à un agenda associé à des sectes ou des mouvements de nouvelle spiritualité, va les amener, va participer au salut de leur âme et le salut des âmes des autres. Ça, c'est une vision qui est en relation avec l'influence du colonialisme spirituel qui peut se faire à l'insu de l'individu s'il ne voit pas clair par rapport à son comportement, ses agissements ou les agissements des autres qui vont en ce sens. Donc, pour se sortir du colonialisme, il faut faire preuve de lucidité. Et souvent, ce qui amène à la lucidité, c'est la souffrance, c'est les chocs de vie. Donc, des gens qui se font coloniser par rapport à une idéologie à caractère religieuse, puis ces gens-là sont victimes d'agressions physiques, agressions sexuelles, viols, châtiments physiques, harcèlement psychologique, manipulation, chantage, culpabilisation outrancière, infantilisation. Puis là, je pourrais continuer à nommer des éléments sur plusieurs années. Donc, le jeune enfant qui va dans un pensionnat qui est dirigé par des religieux puis régulièrement adressé sexuellement, ça se peut qu'à un moment donné, il veuille en sortir du pensionnat puis des croyances religieuses. Donc, autrement dit, ça peut être la souffrance à un certain niveau qui va amener une contestation de la colonisation psychique peut être subie par des individus et une forme de rébellion par rapport à ça pour que l'individu prenne ses distanciations. Mais c'est un phénomène énergétique. Lorsque la personne souffre suffisamment d'une condition, la personne va s'en détacher, elle n'est plus capable de la compter, elle n'est plus capable de l'absorber, elle n'est plus capable de l'assumer. Ça se fait tout seul. Si un peuple, par exemple, est tanné d'être colonisé par des dirigeants corrompus qui vont chercher à véhiculer des idées à caractère écologique, mais qui l'appauvrit, qui va, par exemple, nuire à son niveau de vie, nuire ensuite à sa capacité de production maraîchère, puis que ça fait en sorte que les légumes coûtent plus cher, ensuite ça fait en sorte que le coût de la vie est augmenté. Bon, bien, si un peuple en souffre trop, de l'imposition, par exemple, de la morale écologique, avec le passeport climatique qui pourrait être mis en place, qui serait la cerise sur le sundae par rapport à différentes mesures qui sont imposées. Bon, mais si un peuple sature de tout ça, à un moment donné, il y aura de la contestation, mais c'est à travers la souffrance. Un peuple est exposé à des mesures extrêmement liberticides sur plusieurs mois. Si le peuple souffre pas assez, ben, il risque de réélire les mêmes personnes au gouvernement. Donc, c'est tout le temps en relation avec le niveau de souffrance vécue. Et je pourrais parler encore pendant plusieurs heures de la question de la colonisation spirituelle ou colonisation psychique en général par rapport à des forces astrales. Mais le point, c'est qu'on peut en parler pendant des heures, on peut en parler pendant des années, on peut dénoncer des abus d'autorité. Mais ce qui amène un changement réel, c'est la souffrance vécue. Tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, il y a des abus par rapport à des croyances spirituelles, des croyances religieuses. » La personne peut dire « Oui, oui. » Mais c'est lorsque la personne, elle se fait forcer, par exemple, à avoir des relations sexuelles avec le religieux au pensionnat. Donc, c'est là qu'elle peut vivre le choc de vie. Si la personne, elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avec le religieux, mais elle est contrainte, puis elle est menacée, puis elle est culpabilisée par l'autre, puis l'autre, il fait du chantage avec elle, puis il y a un abus d'autorité parce qu'il est en position, parce que c'est un enseignant ou un éducateur de pouvoir par rapport à un enfant. Ben c'est là, lorsque la personne en souffre, que là, elle va se détacher de la colonisation spirituelle, puis elle peut se distancer par rapport à la religion, puis de plus adhérer. Mais c'est souvent à travers des souffrances abominables. Mais de discourir par rapport à ça, on peut avoir la vibration que quelque part, c'est sûr un manque de respect fondamental par rapport à la colonisation spirituelle qui peut s'opérer. Mais tant que la personne n'en souffre pas puis est aveuglée par un idéalisme naïf, elle risque de perpétrer la colonisation spirituelle, l'entretenir et en devenir un agent qui va servir à la répandre, à la propager. Donc, autrefois, on a propagé la bonne nouvelle religieuse. Aujourd'hui, on propage la bonne nouvelle à caractère écologique. Et certaines personnes vont propager la bonne nouvelle en relation avec l'agenda mondialiste qui vise à être mis en place, entre guillemets, pour sauver l'humanité des menaces auxquelles elle est confrontée. Donc, plein de personnes cherchent à faire le bien, mais n'y réalisent pas qu'en voulant faire le bien, ces gens-là dominent malgré eux. Ils ne le voient pas, ils ne le réalisent pas. Mais c'est en vivant des contre-coups associés à cette domination ou cette idéologie par rapport à leur incidence sur leur vie, qu'à quelque part sont confrontés aux limites de ces formes, et éventuellement certaines personnes parmi eux s'éveilleront à l'égard de ça. C'est juste une question de temps. C'est sûr que l'agriculteur qui est pour l'écologie, et on lui dit, toi tu n'utiliseras plus d'engrais parce que ça participe au changement climatique ou on te le vend plus cher pour des raisons de croyances idéologiques, c'est sûr que lui, il fait moins d'argent, si son niveau de vie baisse drastiquement, c'est sûr que peut-être qu'il va avoir des prises de conscience qui vont se faire ou des remises en question, surtout si on ne propose pas d'alternative. Puis il s'appauvrit. Même chose pour les gens de la population. Donc, au niveau expérimental, ce qui sort du colonialisme spirituel, c'est la souffrance. La souffrance, par exemple, vécue par un peuple qui, pendant plusieurs siècles, a été réduit à l'esclavage. Donc, une souffrance vécue individuellement. Ça, c'est au niveau expérimental. Lorsque la personne est en contact avec l'esprit, c'est la captation vibratoire qui remplace la souffrance expérimentale pour lui indiquer lorsque la colonisation spirituelle. Donc, il n'est pas obligé de passer à travers une expérience souffrante pour en revenir aux animaux qui, spirituellement parlant, peuvent faire pitié parce que, à quelque part, ils ont besoin d'être adoptés. Si la personne n'a pas la vibration réelle d'adopter l'individu, mais il n'est pas assez lucide pour percevoir le signal parce qu'il est aveuglé spirituellement pour le désir de sauver des animaux de l'euthanasie, parce que si l'animal ne se fait pas adapter, à un moment donné, il risque d'être euthanasié. Puis il adopte un animal alors qu'il n'a pas la vibration pour ça. Si la personne adopte un animal, Puis par la suite, il est obligé de s'occuper de l'animal, puis c'est normal, puis il n'y a pas la vibration si c'est un chien de l'amener prendre sa marche à tous les jours. À ce moment-là, il va s'alourdir, ça va créer une tension énergétique et il va être obligé de reconnaître que l'action qu'il a faite au nom d'une forme de l'influence d'une colonisation spirituelle qui s'est opérée sur sa psyché à travers le désir de sauver l'animal, c'est une action qui manque d'ajustement parce que si la personne est... la personne vit dans un petit logement, elle veut sauver le chien, puis le chien court partout, puis elle n'est plus capable de dormir. Puis elle n'a pas l'énergie de l'amener pour prendre la marche parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle dort pas, puis le chien il est hyper activé, actif, puis étendu. Puis s'il amène pas le chien prendre sa marche, il bouge encore plus, fait que c'est un cercle vicieux. Puis lui, il a moins d'énergie pour bouger parce qu'il est épuisé. Bon, mais si la personne est épuisée, ben à ce moment-là, par rapport à ça, il y aura d'autres choix que d'aller amener le chien à l'endroit qu'il l'avait recueilli pour le remettre en adoption. Mais par rapport à ça, ça va coûter de l'énergie, alors que si la personne était déjà en contact avec la dimension éthérique de sa conscience, puis lorsque est venue l'annonce d'adopter le chien, ça dit non, puis à la vibration que c'est réellement non, ben qui se tient à ça, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas eu la perte d'énergie au niveau expérimental. Mais en un sens, tout sert, puis c'est à travers cette expérience qui va saturer de l'impact pernicieux de la colonisation spirituelle, puis avoir un regard lucide, plus lucide éventuellement par rapport aux pensées qui lui traversent l'esprit. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est que moi, dans le passé, pour des raisons de spiritualité, je voulais faire plaisir à des gens, j'avais accepté de discuter avec eux en audio. Et il y a eu beaucoup de pertes d'énergie de ma part. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélectif. Il y a des gens qui s'adressent à moi qui peuvent me trouver bête. Puis je les comprends. Quelqu'un peut me dire, ben là, moi, je veux te parler, j'ai des idées pour parler de conscience, moi, je refuse d'une manière polie, quand même, là. Je dis, non, j'ai pas la vibration pour ça. Puis là, des fois, il y a des gens qui me relancent, puis là, je dis non. Puis là, il y a des gens qui, à quelque part, sont pas contents, ils doivent me trouver pas généreux, pas gentil, ainsi de suite. Mais à quelque part, je m'en fous, parce que dans le passé, je me rappelle, entre autres, d'une auditrice qui m'avait écrit, qui voulait me parler en audio. Et j'avais accepté, puis j'avais la vibration que, bon, ben c'était à quelque part pour y faire plaisir, puis j'avais la curiosité subjective, mais ça m'avait dit non. Là, j'avais accepté, puis là, la personne, quand que je commence à parler avec elle, elle se met à pleurer, elle a vu des situations extrêmement dures dans sa vie, ça, je le comprends, mais le but de la conversation, pour moi, c'était pas de lui parler dans l'optique de l'écouter pleurer. Bon, quelqu'un peut souffrir, peut avoir besoin d'écoute, je le conçois, mais la personne a consulté un intervenant. Puis là, la personne, dans le fond, elle souffrait, puis elle voulait, à quelque part, s'extérioriser. Puis il y a un besoin humain derrière ça que je comprends, mais à quelque part, il faut que la personne aussi soit claire. Parce que là, si quelqu'un me dit « Ah, mais moi, je veux parler de conscience », mais en réalité, la personne, ce qu'elle veut, c'est tout simplement avoir quelqu'un qui va l'écouter pleurer puis dans sa souffrance. Faut que la personne soit claire. Dans le passé, il y a plein de personnes que j'ai parlé que j'avais pas à parler, puis aujourd'hui, ben je suis un petit peu plus dompté que je pouvais l'être il y a 5 ans ou il y a 10 ans, dans le sens que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver ennuyeux quand ils vont voir ma chaîne YouTube qui n'est pas comme autrefois des entrevues avec une grande variété d'invités. Il y a quelques années, je m'étais donné comme objectif d'avoir des invités différents à toutes les semaines, à tous les mois. Je voulais faire un peu comme des gens ont une émission avec un invité différent à chaque semaine. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus et c'est pour ça que j'en fais pas parce que ça serait trop énergivore par rapport à moi. Donc, cette forme-là a sauté. Puis, à un moment donné aussi, l'idée d'avoir une idée, un invité différent chaque semaine, c'est parce que ça peut t'amener à faire du remplissage. À un moment donné, oui, tu as la vibration de parler à quelqu'un. Oui, une autre personne. L'autre semaine, si tu n'as pas la vibration de parler avec personne, mais tu cherches pareil à parler à quelqu'un parce que tu veux faire plaisir au public, parce que là, si tu n'y as pas d'invité pendant la semaine, il y a des gens du public qui peuvent se sentir délaissés parce qu'ils sont habitués qu'un invité différent à chaque semaine. Il y a une routine. Il y a un phénomène d'habituation. Donc, si tu veux faire plaisir aux gens en mettant un invité différent à chaque semaine alors que tu n'as pas la vibration de faire ça, c'est toi qui es en perte d'énergie. Surtout si les gens du public font peu ou pas de contributions financières en relation avec les activités de diffusion web. Ça, c'est extrêmement énergivore. Puis là, la personne est en perte progressive d'énergie, est en dévitalisation, s'y agit ici. Bref, par rapport à moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'il a fallu que je le regarde. Dans ma vie, le phénomène de la colonisation spirituelle, puis il y a quelques semaines, il y a quelques mois, devrais-je dire, quand même, le temps passe vite. À un moment donné, j'étais dans une période du végétarisme où j'arrêtais de manger. C'était du végétalisme. Puis je me sentais pas bien là-dedans, arrêter de manger des produits laitiers, là, que ce soit des œufs, du fromage. Puis non, je suis revenu à un mode d'alimentation plus méditerranéen, que je suis confortable. Mais dans la colonisation spirituelle, on peut nous soumettre à des idéologies, des programmations collectives. Puis qu'est-ce qui amène à sortir de ça? C'est tout simplement la lucidité que l'ego peut acquérir lorsqu'il souffre qui va l'amener à travers la souffrance de développer une force de volonté oppositionnelle à l'égard des forces qui sont derrière les phénomènes de colonisation spirituelle. C'est tout simplement ça. C'est le développement d'une intelligence et d'une lucidité plus vaste de l'ego, puis une rapidité plus grande de ne pas se faire avoir puis de se faire manipuler. Donc, ça me fait penser à récemment, il y a quelqu'un qui... Parce que j'ai fait une vidéo où ce que je disais que je voulais pas avoir de chat. Puis là, la personne m'a écrit que tu devrais avoir un chat. Là, un chat, c'est un gardien. Puis là, la personne voulait bien faire. Et là, j'ai répondu non. Puis là, la personne a dit, t'as la tête dure. Parce que je tenais à mon idée de pas avoir d'animaux présentement, de nouveau. Ça m'appartient, c'est pas de ses affaires. Lui, c'est avoir plusieurs chats. Écoute, s'il est heureux avec ça, c'est de ses affaires, mais c'est pas des miennes. S'il cherche à vouloir me pousser à avoir un animal en me disant que le chat, c'est un gardien à quelque part qui va me protéger contre les entités astrales, que quelque part, le chat a une fonction occulte qui, quelque part, va me sauver, c'est nier la puissance de ma conscience qui peut m'amener à m'autogérer ma psyché. C'est sûr que l'animal prend une fonction dans ma vie, je le dis pas. Il peut apporter un bienfait, un état de détente, un état de légèreté lorsque je joue avec l'animal au niveau psychique, mais le point, c'est que l'individu n'a pas besoin de gardien angélique ou de gardien animaux pour être bien dans sa psyché. L'individu doit être capable d'en faire l'administration par lui-même, puis est capable de mettre fin à tout phénomène de colonisation psychique qu'il peut percevoir, qu'il peut capter. En étant lucide par rapport à ça. Puis pour être lucide par rapport à ça, il faut être sensible. Puis la sensibilité s'acquiert souvent à travers la souffrance vécue qui amène une plus grande vigilance d'esprit. Donc, toutes les expériences où les personnes s'appauvrissent au nom d'idéal écologique ou au nom d'idéal religieux servent parce que c'est à travers les éléments qui créent des dépenses très grandes d'énergie que ça mène l'individu à une conscience de plus en plus grande par rapport à ces dernières et une intelligence grandissante pour plus que ça se reproduise dans leur vie. Moi, il a fallu que des gens parasitent mon énergie à plusieurs reprises pour que je sois capable d'être un peu plus affirmatif et de dire non par rapport à des gens qui veulent entrer en communication avec moi. Puis aussi mettre fin au phénomène de la curiosité subjective en disant « Ah, là, je vais entrer en contact avec une nouvelle personne. » Donc, c'est excitant, non, il faut sortir de la curiosité subjective par rapport aux gens pour entrer dans l'exécution de l'articulation d'une parole objective qui est porteuse d'une vibration qui va amener un état de vitalité beaucoup plus grand que la vibration qui est derrière la curiosité ou les forces de colonisation spirituelle qui cherchent par différents individus interposés à nous manipuler, à nous influencer, à nous garder infantilisés en fonction de doctrines et de croyances qui nous desservent au lieu de nous servir. Donc, c'est ce qui termine maintenant cet enregistrement portant sur la colonisation spirituelle. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.